Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. Un thème et quatre épisodes pour 59 minutes de radio Coups humains. Cette semaine, La Manif est à nous, une série d'Adila Benedjaizou réalisée par Annabelle Brouard. Alors pourquoi on vous raconte ça? Parce que parfois, une expérience cuisante, une manif qui tourne mal, peut entre autres faire basculer un positionnement politique ou un engagement vers l'envie d'en découdre. Et on peut se demander jusqu'où plongent les racines des Black Blocs ou de certains gilets jaunes. Et dans vos oreilles aujourd'hui, les clameurs du stade, des cortèges de tête, des affrontements, de la fumée, les lacrymos et une femme blessée à la tête qui manifestait pour la première fois et probablement pour la dernière. Mais pour commencer, dernier épisode, pavé, barricade et cocktail Molotov, la tension monte. En amont, l'émeute se prépare. Au cours de son accomplissement, elle s'improvise. Elle a ses règles. L'enjeu est principalement de troubler et d'inquiéter les forces de l'ordre, et moins de les blesser. Elle est enfin une thématisation du politique au sens où, symboliquement, en créant le vide, elle ouvre les possibles en brouillant l'actualité et les formes. Depuis quelques années, au sein des manifestations traditionnelles et parfois à côté d'elles, se développent des pratiques qu'on qualifie d'émeutes. Elles ont été particulièrement visibles dans ce qu'on appelle le cortège de tête et dans le mouvement des Gilets jaunes. On a parlé d'un retour au passé, mais ces dites émeutes pourraient aussi bien être un nouveau visage des mouvements sociaux. Quoi qu'il en soit, ces pratiques ont une histoire qu'on ne trouve pas dans les livres, mais qui se raconte de bouche à oreille, s'inscrit sur les murs de nos villes et parfois sur les corps des manifestants. Demain, l'émeute. Il faut que l'ordre républicain revienne dans tous les quartiers de notre territoire. C'est pas un choix, c'est une obligation. Et cette histoire, on pourrait la faire commencer en 2005. Vous en avez assez, hein ? Vous avez assez de cette bande de racailles. On va vous en débarrasser. Bonne soirée, hein ? Racaille ! On devrait vous nettoyer au Karcher. Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. Racaille ! On a le sentiment qu'aller voter, c'est choisir par lequel d'entre vous on veut se faire entuber. Quelques jours après cette déclaration de Nicolas Sarkozy, Ziad Benna et Bouna Traoré meurent électrocutés alors qu'ils sont poursuivis par la police. Durant les semaines qui suivent, les quartiers populaires se soulèvent dans toute la France. Pour ceux qui l'ignorent encore, je le rends public. Je ne soutiens aucun parti, je marche plus dans vos combines. Vos programmes électoraux ne sont que des comptines. Dans les médias, on entend parler de racailles et d'émeutes, mais jamais d'un soulèvement populaire. Aujourd'hui, on entend parler des rebelles de quartier de 2005, mais à l'époque, ça n'a pas été considéré comme un mouvement social. Et 6 mois plus tard, il y a le CPE, et donc il y a 2 révoltes qui se croisent sans se rencontrer. Et quand elles se rencontrent, c'est des formes de lutte des classes. J'étais à cette manif aux Invalides, par exemple, où il y a eu ce que j'appelle de la récupération prolétarienne. Des équipes de jeunes de banlieue ont récupéré des portables sur des lycéens blancs parisiens. Et à ce moment-là, on a un certain nombre à se dire « il y a quelque chose qui cloche ». Et on se met à prioriser les questions de violence policière dans les quartiers. Ce qu'on appelle l'antiracisme politique émerge à ce moment-là. Marco se dit antifasciste autonome et il a participé au cortège de tête. Il n'a pas voulu se laisser enregistrer, donc ce n'est pas sa voix que vous entendez là, mais celle d'un comédien qui répète ce qu'il m'a dit. Comme pas mal d'antifascistes de sa génération, il s'est formé au stade. Je pense que les stades, c'est un laboratoire de la répression et de la résistance pour les manifs. D'abord, il y a plein de techniques, comme les interdictions de manifester, qui sont juste une application aux manifestations des interdictions d'aller au stade pour les supporters. Et puis, entre 2006 et 2011, il y a beaucoup d'affrontements au Parc des Princes, entre les 2 tribunes, une tribune blanche et une tribune plus cosmopolite, avec une identité banlieusarde. Et ces affrontements-là, ça a beaucoup renouvelé le mouvement antifasciste parisien. On peut dire qu'on est passé des chasseurs de skins à une nouvelle génération, avec plus la culture stade. Quand je demande à Marco de me faire l'histoire du cortège de tête, il en trouve des prémices dans plusieurs mouvements qui l'ont précédé. Le mouvement lycéen contre l'expulsion de Leonard Daikachik, les manifestations de 2014 pour la Palestine, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, les blocages après des violences policières devant le lycée Bergson à Paris. Vous et moi, on a à peine entendu parler de certaines de ces mobilisations, et pourtant, elles ont formé une nouvelle génération de manifestants. Juste avant le cortège de tête, en 2016, il y a eu ce qu'on appelait les rendez-vous 11 heures nation, qui étaient des manifestations lycéennes sauvages non déposées, où il y avait toute une série de lycéens qui se rejoignaient à 11 heures place de la Nation. C'était des rassemblements qui partaient tout de suite en live. C'était vraiment des très jeunes. Tu les voyais, pas masqués, avec le drapeau de l'Algérie. Ça chargeait la police automatiquement. D'après Marco, ce sont ces jeunes gens, venus des lycées de la banlieue et du nord-est de Paris, qui ont rendu possible l'apparition du cortège de tête. Après les rendez-vous 11 heures nation, comme le mouvement contre la loi travail était en train de se monter, il y a eu des AG de lycéens. Et moi je me rappelle très bien des lycéens qui ont dit « on va en tête de manif ». Il y avait des vieux militants comme moi qui disaient « ça veut dire qu'on se tape avec le service d'ordre de la CGT, c'est pas rien ». En fait, je sous-estimais la puissance qu'on avait. Il y a cette phrase de Che Guevara qui dit « Ils ne savaient pas que c'était impossible, du coup ils l'ont fait. » Et du coup on l'a fait. Dans les premières manifestations de la loi travail, on voit effectivement l'apparition d'un cortège de tête. Et ce qui était frappant, c'est que c'était un cortège de tête qui n'avait pas vraiment d'identité. Romain Huet, ethnographe. C'était difficile de l'assigner à un courant politique précis, alors que d'habitude, dans les manifestations, il y a tel syndicat qui est à tel endroit, etc. Et là, il y avait une espèce d'ensemble assez hétérogène et qui progressivement grossissait de manifestation en manifestation. On voyait à la fois des syndicalistes plutôt isolés qui se retrouvaient dans ce cortège-là, des étudiants. Bref, une foule de gens un peu hétérogènes. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce qui pouvait justement attirer dans ce cortège de tête. Comment se faisait-il qu'ils rejoignaient cette tête de la manifestation qui, en plus, faisait l'épreuve quand même physique d'affrontements parfois quand même assez intenses avec les forces de l'ordre. Une phrase qui revenait tout le temps quand on demandait aux gens « Pourquoi tu vas dans le cortège de tête ?» c'était « Parce qu'il se passe quelque chose ». Effectivement, les gens venaient non seulement parce qu'il y avait des affrontements avec la police, mais aussi parce qu'il y avait une forme d'inventivité. Le cortège de tête, c'était aussi une expérience esthétique. La musique qui s'y écoutait, par exemple, c'était fondamental. Au lieu de la vieille sono qui crachote, motivée, les lycéens venaient avec leurs grosses enceintes portables et y mettaient du Joule, du PNL. Ouais, le monde ou rien. Ça me convient. Ouais. C'est joli cette phrase, le monde ou rien. Quoi. Ça montre cette espèce de désir de monde et cette passion pour le monde. Quoi. Il y a eu le slogan le monde ou rien. C'est Scarface, mais ça peut aussi être un slogan révolutionnaire, internationaliste. Ça voulait dire évidemment, il faut se battre contre la loi travail, mais il faut aussi se battre contre tout le monde qu'elle charrie avec elle. Il y avait quelque chose d'enthousiasmant parce qu'il y avait une espèce d'énergie un peu collective dans laquelle les gens voilà, s'autorisaient ou allaient faire des graffitis sur les murs. Et il faudrait faire une sémiologie de ça, c'est génial parce que ça dit beaucoup de choses, comment on écrit la rue, comment on écrit le mouvement. Black bloc, ça ne veut rien dire. Le black bloc, c'est pas des gens, c'est une pratique. On fait un cortège où on s'anonymise, on rend impossible l'identification de l'individu. Et ça... ça peut être utile pour faire des choses illégales, comme se défendre face à la police ou attaquer un symbole du capitalisme. L'émeute est vécue comme une vibration. Elle est le temps où chacun se débarrasse de ses habitudes et de ses identités. Par exemple, la généralisation de l'usage de cagoules ou de masques ne s'explique pas seulement pour des raisons sécuritaires. Elle est tout autant de se dissimuler que de travestir son identité. Il s'agit de produire un corps opaque et résonnant, c'est-à-dire capable d'incorporer collectivement la colère et la détermination tout en préservant la capacité d'initiative et la puissance d'action. Le temps de l'émeute est le moment de l'effacement de soi où le corps se met à parler, où les émotions se concrétisent et s'extériorise collectivement. Pour détruire une banque tranquille, ça prend un peu de temps quand même. Il faut qu'il y ait des gens devant qui tiennent tête à la police, qui font en sorte que personne ne rentre dans le cortège. Pour une banque, le truc minimum, c'est mettre hors d'état de nuire le DAB. Ça sert à rien de chercher à récupérer l'argent à l'intérieur, c'est impossible. Il faut casser l'écran. Tu fais 2 ou 3 étoiles sur la vitre, ce qui fait que le lendemain, il sera inutilisable. C'est cette idée qu'il est en train d'arriver quelque chose, qu'il est en train de se passer quelque chose. Et quelle est l'assurance qu'il est en train de se passer quelque chose ? Eh bien, c'est que je le ressens déjà dans le corps, quoi. Parce que je suis agité par un certain nombre d'affects, mais je le vois aussi dans mes perceptions. Le propre d'une émeute, c'est que vous avez un paysage qui momentanément s'effondre. Je parle par exemple de la case et destruction. C'est-à-dire qu'a priori, c'est pas seulement un effet cathartique, mais c'est aussi une espèce de plaisir devant la matière. La matière du monde qui est en train de s'effondrer, quoi. Et je crois que dans l'émeute, il y a un peu ce genre de choses. C'est un simulacre de l'effondrement du monde, parce que c'est très très localisé, c'est sur quelques petits endroits. Mais dans ce moment-là, il y a comme si le geste que j'accomplis, en fait, produit un effet direct qui advient immédiatement à la perception, mais aussi au son, la vitre qui s'effondre. On a aussi appris à renvoyer les projectiles de loin. Les palais de lacrymo, par exemple. Il faut les prendre avec des gants parce que ça brûle. Il ne faut pas se planter. Un palais qui fume, tu sais qu'il a déjà explosé puisqu'il est en train de fumer. S'il n'y a pas de fumée, je te déconseillerais d'y toucher. On a aussi vu des gens vouloir faire ça avec des grenades qui ont explosé. Dans ces affrontements, il y a cette idée que c'est une épreuve physique du pouvoir. C'est-à-dire que dans la vie de tous les jours, les pouvoirs nous traversent continuellement sans qu'on puisse nécessairement les localiser, sans qu'on puisse nécessairement les identifier. Ils nous traversent, on se constitue avec. Et bien là, en fait, ils se matérialisent très concrètement. Par ailleurs, il n'est pas aussi fin que d'habitude le pouvoir. C'est une force de police qui va pouvoir aussi exercer la discipline sur vos corps. Foucault disait d'ailleurs ça, la matraque, c'est à la fois le bout du pouvoir et c'est aussi l'image d'un pouvoir à bout. Et il me semble que cette épreuve, elle est très très rare. Et qu'il y a peut-être ce sentiment qu'il est en train de se passer quelque chose parce que justement, j'ai une confrontation avec le pouvoir et parfois, c'est assez rare, et parfois en plus il recule. Après, dans les trucs défensifs, un truc qui a été assez important, ce sont les banderoles renforcées. Ce sont des bâches de chantier et qui sont tenues d'en haut par 3 ou 4 personnes avec des planches. Ça s'apparente à un bouclier. Ça permet par exemple sur une charge d'encaisser la charge et de la repousser. Mais même si tu n'y arrives pas, tu recules. Mais c'est pas la débandade totale avec des gens qui se retrouvent seuls à se faire lyncher par terre. Si t'as une banderole renforcée, tu recules en bonne forme, en limitant les dégâts. C'est fort psychologiquement, il y a même un truc de dignité. Être de chair, les émeutiers sont affectivement au monde. Ils luttent avec et à partir de leur corps. La proximité des émeutiers fait jaillir le sentiment d'une symbiose temporaire avec les autres corps affectés. Quand tu vas en manif sans être préparé et que tu te retrouves à avoir peur, à te faire frapper, il y a un truc d'impuissance. Et dans ces situations-là, il y a ceux qui disent « ce n'est pas pour moi ». Et il y a ceux qui se disent « si c'est comme ça, je vais revenir ». Et je vais m'organiser. À l'été 2016, on revient de moins en moins. La répression augmente, le mouvement contre la loi travail s'essouffle, et avec lui, le cortège de tête semble disparaître. Mais 2 ans plus tard, loin des centres-villes, d'autres colères se rassemblent et bientôt, d'autres cortèges se forment. Ils ne sont pas 2 têtes, ceux-là. Ils sont jaunes. Gaulois réfractaires, retraités spoliés, infirmières en colère. Alors moi, c'est Dani et je suis ambulancière. Donc sur les côtes d'Armor, ça fait 6 ans que je suis ambulancière, j'ai fait différents métiers avant, mais j'ai toujours travaillé. Dani, gilet jaune. On a la vie quotidienne qui est là, on travaille, on a nos amis, on a la famille, on ne se rend pas compte en fait, des conséquences qu'il peut y avoir des décisions politiques, parce qu'en fait moi j'étais pas du tout dans la politique, j'y connaissais rien, j'y connais déjà pas grand chose. Avant je crois que j'avais pas la notion de ce qui se passait. Et j'avais l'impression qu'on était écouté alors qu'on ne l'était pas du tout. Puis quand on commence à bien galérer, qu'on se dit « Hey, des choses qui se passent, et là, ouais, c'est chaud, là, je suis pas d'accord avec ce qui se passe, et puis, va falloir dire les choses, je peux plus accepter. Et ce mouvement des Gilets jaunes, tout ça, je l'aurais pas fait. C'est ce mouvement de groupe, en fait, qui a permis des personnes comme moi, d'un coup, de se dire, bah, ah, ouais, je suis pas toute seule, en fait. C'est pas moi qui fais la croix dans l'histoire, c'est, si je galère, c'est que c'est vrai, en fait. J'ai commencé à donner un coup de main à partir de octobre. On faisait des marchés pour en parler, on a, sur les réseaux, de parler, en fait, de cet appel du 17 novembre 2018. Et puis le 17 novembre, bah là, c'est, on y va, sans savoir où on allait. Ici, il y a eu donc une opération escargot. On a été très, très, très, très surpris. On s'attendait, nous, allez, 500 personnes. Et en fait, il y a eu une estimation de plus de 40 000 personnes sur la journée. On est arrivé à Langueux. Nous, on a mis pour faire, normalement, ce que je fais en voiture, en 20 minutes, on a mis 4 heures. La zone de Langueux est une grande zone commerciale, en fait. Elle a été assiégée pendant un week-end complet, en fait. Et là, on se dit, waouh! Le désordre est la force du peuple. Il n'y a pas d'omelette sans casser deux. Macron, t'as cassé la coquille, démerde-toi avec le jaune qui s'étale. Je suis allée un petit peu sur les ronds-points aussi. C'était convivial. On avait fait un barbecue. J'avais apporté ma musique. C'est de la musique sur un orgue de Barbarie. Barbara, gilet jaune. On discutait, chacun échangeait ses convictions. Tout le monde n'a pas forcément les mêmes revendications, mais il y avait quand même un besoin de communiquer entre les personnes. Et je pense que c'était une sorte de trop-plein qui couvait sans doute depuis un moment déjà. Et ce trop-plein, là, bon, il s'est révélé dans le cadre de ce mouvement-là. Il y avait quand même une question concrète, c'était l'augmentation du carburant. Parce que je travaillais, je faisais du service à domicile, je faisais quand même 250 km par semaine, bien souvent sans indemnité, sauf si j'avais des enfants dans ma voiture, là on me donnait une petite compensation, mais autrement non. J'ai fait quelquefois 40 km pour aller faire 2 heures de ménage, et là ça comptait pas. Hein. J'avais arrêté mon travail dans la fonction publique, et quand je suis allée après chez des particuliers, en tant que femme de ménage, j'ai commencé à voir vraiment, mais concrètement, les différences sociales. Mais c'est là que, oui, j'ai appris ce que c'était que le mépris. J'ai refusé, oui, de faire certaines choses quand je faisais des ménages, et je suis partie. J'ai jamais voulu non plus me mettre à genoux. Hein. Fichier jaune. On veut vivre, pas survivre. La liberté ou la mort. Du pain et des roses. J'ai découvert des gens vrais, en opposition à ce que j'ai pu vivre, moi, chez certains particuliers. Là, j'avais affaire à des gens de terrain, j'ai toujours des citoyens. Il y a eu des manifs au mois de novembre, on dit, ça y est, le gouvernement va baisser le prix du carburant. Dans la théorie, tout était simple et logique. Mais alors, quand j'ai vu que ça durait, puis c'était quand même tous les samedis, c'était vraiment devenu, alors on parlait un samedi, deux samedis, trois samedis, 10 samedis. Le mouvement enflait quand même, hein, parce qu'il y avait de plus en plus de monde. J'ai flippé un peu, je me dis, mais ça va aller jusqu'où comme ça? Et quand il y a eu les violences qui ont commencé, là je dis non. Alors quand on parle du mouvement, c'est vrai, ce mouvement-là, il y a eu des personnes qui l'ont initié, on peut dire plusieurs personnes, mais il n'y avait pas de structure, il n'y avait pas un chef. C'est pour ça que dans la durée, ça ne peut pas marcher. S'il n'y a pas de structure, c'est comme un chien sans maître. Un chien sans maître est dangereux parce que personne ne peut le contrôler. Je dirais que c'est un peu un tel mouvement, il n'y a pas de cadre. Comme il n'y a pas de cadre, ça peut partir dans tous les sens. C'est ce qui est arrivé, d'ailleurs. Et puis, la violence, je n'ai jamais cautionné la violence, où qu'elle soit, d'ailleurs. Mais il y avait quand même une contradiction entre le fait qu'on nous dise que le manifester est un droit et la répression qui a été, je pense, un peu disproportionnée. Je me dis, est-ce que la violence, elle est venue du peuple qui manifestait ou plutôt de la répression ? Cette terre qui m'obsède jour et nuit, cette terre n'est pas née d'aujourd'hui. Fin du mois, fin du monde, même combat. Il vient d'aussi loin que je viens, traîné par 100 000 musiciens. C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches. Un jour cette terre me rendra folle, 100 fois j'ai voulu dire pourquoi, mais il m'a... La lutte des classes s'habille en jaune. Je l'ai porté, après je l'ai enlevé, après je l'ai remis. Je l'ai porté parce que le symbole était là. Et puis sur le terrain, il y a des personnes qui étaient quand même assez agressives dans leurs propos. Et donc je l'ai enlevé. Je reste un peu chez moi et puis j'ai réfléchi et je suis retournée. Il me fait le coup du souviens-toi. Padam, padam, padam. C'est un air qui me montre du doigt. Et je traîne après moi comme une drôle d'erreur. Cet air qui sait tout par cœur. Et après, c'est les manifestations, puisque c'est indispensable en fait. Sur le rond-point, on n'est pas visible. On est visible par les gens qui sont là, mais pour être visible là-haut, il faut qu'on soit un peu plus nombreux, quoi. À moi, la première grande que j'ai vraiment faite, ça a été en janvier à Rennes. C'est celle qui m'a le plus marquée, en fait, parce que ça a été ma première grosse où j'ai vraiment vu les choses un peu différemment. Bon, à Rennes, ça gazait dans tous les sens. Enfin, c'était vraiment du grand n'importe quoi. Une violence qui était importante de la part des forces de l'ordre. On sentait que c'était nous faire taire, quoi. C'était gros. Et moi, avec mes compétences d'ambulancière, j'avais un sac de médic, et ce qui me permettait de prodiguer des premiers soins s'il y avait besoin. On a eu un monsieur qui a fait un arrêt cardiaque. On s'est retrouvés, nous, à 3 médics autour de ce monsieur-là, et on a demandé aux policiers de ne pas gazer. Parce qu'on était dans une rue et que les gens prévenaient en disant « ne gazez pas, ne gazez pas ». Ça ne les a pas empêchés de gazer. Vous savez, quand il y a quelqu'un qui est en arrêt cardio, on oublie ce qui se passe autour. On sait ce qu'on a à faire, on a nos gestes. La première chose, c'est de sauver cette personne-là. Mais pour moi, il n'aurait pas fait un arrêt cardiaque si on n'avait pas eu les gaz. Ça, c'est clair, net et précis. Après ça, quand on sort de là, c'est pas être triste, c'est être en colère. Très en colère, et après les forces de l'ordre. Là, c'est la première grosse manif qui m'a déclenchée. Ben, après, j'allais que sur des grosses manifs parce que la colère était là. La seule crainte que j'avais au démarrage, c'était de finir en garde à vue et d'avoir un casier judiciaire. Parce que si j'ai un casier judiciaire, je perds mon travail. J'ai jamais eu peur d'être blessée. Alors nous, on s'est toujours organisé au démarrage. On marquait numéro de l'avocat, numéro d'une personne sur notre bras. On s'est toujours protégés les uns aux autres. Alors le seul truc qu'on se disait, il pouvait nous arriver quelque chose. On le savait. Quand on allait sur Paris, sur les grosses manifestations de Paris, il y a une organisation, on était entre 30 et 50 personnes en fait, à partir d'ici. C'était que du covoiturage, donc chacun payait sa part. Je réservais à l'hôtel, où on payait pas trop cher. Surtout qu'après une journée de manifestation, le soir, physiquement, on prend cher sur des grosses manifestations, avec les gaz, avec tout ça, donc on est très fatigué. Puis souvent, on a la semaine dans les pattes aussi, déjà. C'est quand même bien usant. On court beaucoup, quand même. Les gilets jaunes, d'ailleurs, pouvaient passer des journées de 10h du matin jusqu'à très tard le soir, à marcher continuellement et à courir dans de bon nombre de cas. Voilà, ils avaient quand même une résistance à la fatigue qui était assez incroyable. Continuaient à être dans la rue, ils ne voulaient pas rentrer chez eux. Ça nous dit peut-être quelque chose sur quand même cette espèce d'intérêt vital à lutter, quoi. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en train de jouer, qui n'est pas de pure symbolique, qui n'est pas comme s'il s'agissait d'un rituel d'être dans la rue parce que voilà, on est contre quelque chose. Là, il y a une présence obstinée. Ce ne sont pas des jeux de posture, ce sont plutôt une véritable passion politique qui est en train de s'exprimer. Qui sème la misère récolte la colère. Le seul bon système, c'est le sound system. Ils ont la police, on a la peau dure. On veut tout. Regarde ta Rolex, c'est l'heure de la révolution. On a très très vite retiré le gilet jaune. Parce que c'était, on était ciblés. Donc si on voulait pouvoir rejoindre les manifestations, il fallait surtout pas avoir de signes distinctifs. À partir du moment où quelqu'un portait un gilet jaune, quand on arrivait sur les manifestations à Paris, ils étaient directement mis de côté, nassés et amendés. C'est tout. En fait, nos revendications allaient plus loin après. On n'était pas que dans le gasoil, le pouvoir d'achat, des choses comme ça. Non, on était beaucoup plus loin. C'est de dire que on n'est pas d'accord avec votre façon de gouverner là. Donc on est plus des citoyens, en fait, en colère, comme on dit. Donc, sans étiquette politique, mais sans étiquette non plus. Donc le gilet jaune est pour moi devenu une étiquette. Je suis fier d'avoir été gilet jaune. Mais je n'ai pas que cette étiquette. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses qui me dérangent, donc je revendique quoi. On ouvre les yeux et on voit les choses différemment, et on discute avec des gens aussi qui... Ça permet aussi de mieux comprendre. Moi, il y a des choses encore que je comprends pas, hein. Comme je dis, je suis pas une intellectuelle. Non, mais je suis pas une intellectuelle. Donc il y a des choses, j'ai du mal à comprendre parce que c'est un système qui est quand même très complexe, la politique. Et on s'y intéresse. Et ce qui a permis la rencontre avec des gilets jaunes, qui eux déjà avec cette connaissance-là, on a partagé, on a pu échanger, mieux comprendre la façon dont c'était fait. Et puis du coup, on ouvre les yeux. D'un coup, aussi, ah, mais oui, c'est vrai. Ah ouais, on m'a pris pour une conne pendant tant d'années. Et puis on regarde plus la télé. Quand même, un des gros souvenirs, c'est le 16 mars avec les gilets jaunes. C'est puissant. C'est là où il y a eu le Fouquet's. Toutes les boutiques qui sont vidées, et il y a des gilets jaunes qui applaudissent les Black Blocs. Il y avait une électricité qui courait dans l'air. Il y avait des scènes où des cagoulés sortaient des chemises Ralph Lauren par paquet de 20 et les balançaient comme des frisbees à des gilets jaunes qui rentraient chez eux avec des chemises Ralph Lauren. J'en voyais qui prenaient des serviettes avec marqué Fouquet's dessus, des souvenirs de Paris. J'avais un souvenir sur un mouvement des Gilets jaunes, le fameux acte où le Fouquet's avait été brûlé. L'avenue des Champs-Élysées avait été largement saccagée. Et quand je remontais cette avenue-là, donc c'était encore dans la manifestation, je voyais des gens qui regardaient le spectacle un peu de façon un peu ébahie de ce qui était en train de se passer. Je voyais vraiment aussi clairement une forme de satisfaction, comme l'avenue des Champs-Élysées quand même. Et bien soudainement, en fait, avait perdu précisément de son aura, était devenu tout à fait autre chose. Ça dure très peu de temps, c'est essentiellement symbolique. Il me semble aussi que ça produit cet effet là, de ce qui est robuste et orgueilleux devient plus grand chose, en tout cas. Ah, celle-là était forte. Elle était violente, celle-là. On était nombreux. Ça a été énorme. Les Champs-Élysées étaient plein de gens. On a eu très peur. Puis là, ça a été énorme de violence, énorme. Enfin, c'est assez impressionnant. On en est sorti pas vivant dans sa tête, entre guillemets, parce que c'est violent. On s'est fait gazer alors qu'on était, si on voit la pièce là, on ne pouvait pas bouger d'un millimètre. Donc en fait, ça gazait partout, donc on est étouffé. J'ai fait un arrêt respiratoire, c'est la première fois que ça m'arrivait, justement parce que j'ai pris des gaz d'un coup. Et là, il y a une solidarité, par contre, entre les citoyens qui est très très forte. Ce mouvement-là a montré cette solidarité-là. Parce que vous voyez, on parle des black blocs, qui peuvent casser, enfin, eux, c'est très ciblé, ce qu'ils font. Vraiment anticapitaliste, c'est très organisé, c'est très carré. On s'est retrouvés, nous, des fois en galère. Ceux qui nous ont sortis de la galère, c'était eux, hein. Les premiers casseurs sont les briseurs d'espoir. Ni racistes, ni antisémites, ni xénophobes, anticapitalistes. Il y a de très nombreuses émotions qui peuvent agiter les uns et les autres au cours d'une émeute. peut y avoir de la joie. J'ai cru en voir beaucoup. C'est-à-dire des personnes voilà, qui ont encore une espèce de plaisir d'être là dans le ici et le maintenant de l'événement. Une forme de rapport assez passionnel au réel, me semble-t-il. Et puis bien sûr, il y a de la peur. Au cours d'une interaction, justement, on peut avoir ce double sentiment que la peur peut se mélanger avec, pas forcément le sentiment de joie, mais un certain enthousiasme. Et c'est une des raisons, en tout cas, qui fait que l'émeute pourrait être à ce point désirable pour certaines personnes, c'est qu'il y a un moment de quelque chose d'une intensification du moment qu'on est en train de vivre. Il se passe énormément de choses, notamment au niveau affectuel, ce qui contraste peut-être avec notre vie de tous les jours, qui est quand même plutôt terne, peut-être dépourvue, pas complètement dépourvue de sensations, mais quand même globalement assez peu intensifiée. C'est un truc personnel, mais la question de l'émeute, je la conçois très stratégiquement. Le fait que, par exemple, pendant les Gilets jaunes, pendant 6 mois, l'avenue du luxe à la française a été complètement inaccessible, ça, c'est des choses qu'il faut envisager comme des formes de grève contemporaine. Et moi, je dis pas ça par opposition à la grève, parce que je pense qu'il faut les deux. Je pense que les gens qui sont à la SNCF, il faut qu'ils bloquent les trains. Mais qu'est-ce qu'on fait avec les gens qui n'ont pas un CDI? Ça fait quand même beaucoup de monde dans les classes populaires. Le rapport de force traditionnel, on leur bloque leur entreprise, ça peut s'élargir. Quand on leur bloque leur ville, on leur bloque leur rond-point. Les flux aujourd'hui, c'est important. La production, elle est de plus en plus dans le tiers-monde, mais les produits, il faut bien qu'ils arrivent. Donc il y a les livreurs, les routes, la logistique, et ça, on peut agir dessus. J'ai le droit de manifester pacifiquement sans me faire gazer, mutiler, assassiner, garder à vue, matraquer, emprisonner, signer le peuple. Voilà, plein le dos, mais je peux continuer, on veut plus que des miettes. Une dame a écrit ça. On a une personne qui a écrit dans son dos, ça s'est vu à Toulouse, acte 47. Là où le profit passe, la morale trépasse. Louise, du collectif Plein le dos. Le nom, c'est Plein le dos. Et le sous-titre, pour une mémoire populaire, La rue contre le mépris. Quand en novembre 2018, on a entendu parler à la radio, dans la télé, de ces gilets jaunes, au début un peu sceptique, il y avait eu les bonnets rouges avant. On ne sait jamais exactement avec qui on va jouer. La chose la plus simple, en fait, a été d'aller voir. J'ai dû, à ce moment-là, discuter avec des gens, des gilets jaunes, sur les Champs-Élysées. Je pense qu'on avait dû entonner une internationale pendant que d'autres à côté chantaient la Marseillaise. Et puis, des gilets jaunes nous ont regardés en nous demandant pourquoi on chantait pas. Donc, on a dû répondre, pour nous, c'est un chant un peu trop nationaliste, tout ça. Et le gilet jaune qui m'a répondu m'a dit, écoute, on l'apprend tous à l'école, on connaît tous les paroles. Et moi, ça m'a invité à me taire, en fait, à me taire et puis à écouter ce que ces gens avaient à dire. Ensuite, j'ai pris le pli tous les samedis et j'ai eu l'idée de la galerie nationale de dos de gilets jaunes qui s'appelle Plein le dos, début janvier. Donc j'y suis allée, j'ai fait des photos de ce que je voyais sur les dos des gilets jaunes qu'on ne voyait pas dans la télévision, dont les médias ne parlaient pas. J'ai fait des photos, mais je me suis rendu compte aussi, en étant présente sur les réseaux sociaux, que d'autres personnes faisaient des photos. Et je demande à quelques photographes que je connais, dont j'ai vu qu'ils avaient des photos, de me passer leurs photos. Et en fait, assez rapidement, il y a 5000 images sur la galerie. Donc je dis, à la fin, il y aura moyen de faire un beau livre. Et un ami me dit, mais Louise, si tu attends la fin du mouvement, ce sera comme une couronne mortuaire sur le mouvement. Il ne faut pas attendre la fin pour diffuser ces photos. Ça s'est passé comme ça. Et à partir de là, une affiche, donc un format A2, c'est 4 formats A4, recto, verso. Donc c'est une affiche et l'idée, c'est comme les posters qu'on avait dans les magazines quand on était gamin. Il y a une image de... Enfin, il y en a de chaque côté. Donc il y en a 2 pour le prix d'un. On peut afficher d'un côté puis de l'autre si on veut. Pas de texte parce qu'on ne parle pas à la place des gilets jaunes, mais on donne à voir une sélection d'images. Donc il y a à peu près 75 photos par numéro. Légendée, vue à Tours, acte 1, vue à Toulouse, acte 2, vue à... voilà. Ce que j'avais en tête, c'est surtout le fait que tous les hommes sont des artistes. Je me voyais presque comme une commissaire d'exposition, mon métier c'est directrice artistique, à sélectionner les plus belles œuvres réalisées par tout le monde, à choisir lesquelles j'avais envie de donner à voir. Il s'agissait aussi de mettre ensemble les questions de justice sociale, de justice climatique, de justice fiscale, de lutte contre les violences policières, d'ouverture des frontières, de taxer les riches, mais aussi de montrer que les Gilets jaunes citaient Victor Hugo, Louise Michel, avaient un certain nombre de références, là où on les prenait pour des idiots, y avait des références là-dedans. Et donc c'est parti comme ça, premier numéro, diffusé en mars 2019, 2000 exemplaires, le numéro 1, sur les Champs-Élysées. En fait, après le numéro 1, tous les 15 jours, il y avait un nouveau numéro qui sortait, parce que plus on diffusait de feuilles jaunes, plus on recevait de photos. Avec cette feuille jaune qu'on a décidé de diffuser à prix libre dans les cortèges, très vite, il y a eu des excédents de revenus. Il est apparu comme une évidence que cet argent devait être versé aux personnes qui étaient mutilées. Chemin faisant, on s'est rapproché de Vanessa Langard qui, elle, s'occupait de coordonner les mutilés pour l'exemple. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. Pour l'instant, on a 28 blessés, donc 28 personnes mutilées ou blessées graves. Donc on a plusieurs personnes à qui manque une main, à qui manque des yeux, ou qui ont eu des traumas crâniens importants, qui ont eu des mâchoires bousillées, les jambes abîmées. Voilà, il y a de multiples blessures. Ça commence à faire beaucoup de monde. Vanessa Langarde, du collectif Les Mutilés pour l'Exemple. Après, on a trois grandes règles pour rentrer dans le collectif. Pas de personnes fachos, pas de sexisme, pas d'homophobie. Moi, je suis pas une grande militante, je faisais plutôt du bénévolat dans mon quartier plutôt que d'aller manifester. Mais quand j'étais très jeune, Jean-Marie Le Pen contre Monsieur Chirac, voilà, c'était ma première manifestation que j'ai faite, et puis la seule d'ailleurs, et puis après, les Gilets jaunes. Est arrivé que ma grand-mère, on a fini par vivre ensemble parce qu'elle vieillissait, elle était en Bourgogne et que moi, financièrement, ici, un peu compliqué, un appartement seul. Donc on s'est dit, on fait une colocation et elle est tombée malade. Donc du coup, moi, spontanément, j'ai arrêté de travailler pour devenir son auxiliaire de vie. De base, je suis décoratrice sur verre vitrailliste, mais vu que je n'avais pas de travail à ce moment-là, je faisais caissière à Toys R Us. Et en devenant son auxiliaire de vie, je me suis rendu compte que les personnes âgées en France ont très peu de droits. C'est très compliqué pour eux, ce ne serait-ce que les couches pour les personnes âgées ne sont pas prises en charge, ce qui n'est pas normal. Pour pouvoir laver ma grand-mère, je vais à la pharmacie en leur demandant à quoi on a le droit. Ils me sortent une planche. Je mets ma grand-mère sur une planche, elle tombe. Donc tu te rends compte que c'est pas normal pour quelqu'un qui a bossé toute sa vie depuis l'âge de 14 ans, que les personnes âgées, on les oublie. C'est à l'époque où les gilets jaunes ont commencé à sortir. Donc dès le début, moi, oui, j'étais gilet jaune depuis longtemps. Dès le début, je voulais y aller, mais entre mamie et ma vie perso, je n'avais pas eu le temps d'y aller le week-end. Et là, il y a l'acte 5. Ma meilleure amie avait fait toutes les manifestations avant. Donc, on s'était dit, allez, on y va ensemble. Je crois qu'on arrive à 11h à Paris. On se fait fouiller maintes et maintes fois. On arrive à 13h seulement aux Champs-Élysées. Tout un parcours du combattant pour y arriver. La manif commence à peine. On se retrouve devant une grande barre de CRS. Donc moi, j'avais l'Arc de Triomphe dans le dos. On avançait un peu dans le sens inverse. On regarde la barre de CRS. C'était hyper calme, hyper joyeux. Avec ma copine, on s'est regardé, on s'est dit, mais il y a une super ambiance. Il y avait une petite grand-mère avec son déambulateur dans la rue, en gilet jaune. Ça chantait, il y avait quelqu'un qui faisait du tam-tam, de la flûte. Donc c'était super ambiance, en fait. Il ne se passait strictement rien. On était quatre sur un trottoir. On se dit, on va s'éloigner quand même de la barre de CRS, on ne sait jamais. Du coup, on se tient la main, on fait demi-tour et je me prends un tir de LBD en pleine tête. « J'ai pas senti un pack ou rien du tout. C'est, je regarde ma copine et d'un seul coup, je vois tout noir, tout gris, tout. Je la vois presque plus et je comprends pas. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? J'entends appeler les médics, appeler les pompiers, appeler. Et j'étais tout de suite allongée au sol. Les street medics étaient juste en face, donc Dieu merci. Et là, je comprenais, je vais pas mentir, je comprenais pas du tout ce qui se passait. Et puis le cerveau se met sur off. On arrive donc dans le premier hôpital où là, ça se passe très mal. Parce que, en fait, les gilets jaunes étaient fichés dans les hôpitaux. Il faut savoir que moi, j'avais plus de peau au niveau du front, hein, on voyait mes os. Donc, ils me tenaient la boîte crânienne, quoi. Et il me laisse 20 minutes sur un brancard jusqu'à ce que le street medic hurle et dise « Mais elle a une hémorragie cérébrale, c'est l'urgence, qu'est-ce que vous faites ?» Réponse de l'infirmière « C'est une gilet jaune, elle est dans l'illégalité. » Et là, le street medic a tellement hurlé et fait un scandale qu'ils m'ont pris en charge au bout de 20 minutes. Et effectivement, j'étais vite transférée dans un autre hôpital parce que j'avais une hémorragie cérébrale assez importante. Donc ensuite, j'ai fini à l'hôpital Beaujon où là, on m'a opéré donc de l'hémorragie cérébrale en premier. Et la deuxième opération, ils m'ont posé des plaques en métal au niveau du front pour que je retrouve visage humain parce que je ressemblais à Quasimodo. Clairement, j'avais plus de visage. Tous les mois, on apprenait un nouvel handicap. Parce que voilà, ils se sont surtout occupés du cerveau, mais un mois après, je vais voir l'ophtalmo qui m'annonce que mon œil, comme il dit, il est là, mais il n'est pas là. Donc que l'œil était foutu, que je ne retrouverai pas la vision. On s'est aperçu que j'avais une perte du goût et de l'odorat parce que mes sinus ont été écrasés. 3 mois après, on se rend compte que je fais plein de off, comme je dis, en fait, comme des petits chaos. Quand mon cerveau charge trop, il se coupe. Puis ben, c'est là qu'on a commencé à se dire comment on dépose plainte, qu'est-ce qu'on fait et comment on fait, parce que... Moi, je suis pas habituée à ça, donc j'avais pas d'avocat, qui on contacte. Est-ce que, avec ma mère, c'était la grande question. Est-ce qu'on se paye un avocat? Enfin, est-ce qu'on se paye? On peut pas, mais est-ce qu'on fait ce qu'on peut, même un crédit pour payer un avocat? 4 000 euros, là, les grands avocats qu'on voit à la télé. Dieu merci, on n'a pas fait ça. Et j'ai eu beaucoup de chance, c'est que je tombe sur une avocate humaine. Et voilà, et c'est comme ça que Maître Chalot est devenu mon avocate. Certes, les policiers ont eu des ordres, mais la personne qui, avec son flashball, avec son LBD-40, excusez-moi, m'a visé, parce qu'ils ont un viseur, et a appuyé sur la gâchette, il est coupable. Il est coupable de ne pas m'avoir tiré dans les jambes, de ne pas m'avoir tiré dans les bras, et déjà de m'avoir tiré dessus alors que je ne faisais strictement rien, déjà, sur le principe. Mais il est coupable, lui, personnellement, d'avoir appuyé sur cette gâchette. Et donc, il est coupable de mon état de santé maintenant. Et donc, oui, j'ai besoin de savoir qui est cette personne. J'espère avoir un procès, pouvoir avoir cette personne en face de moi, mais j'en ai besoin. Il m'a tuée intérieurement. Je suis morte à l'intérieur à cause de lui. L'ancienne Vanessa, elle ne peut plus exister, n'existe plus. Et il a fallu que je recrée une nouvelle Vanessa. Je suis handicapée à vie. J'ai l'impression de regarder les autres vivre. Moi qui étais toujours, comme disait ma grand-mère, par monts et par vents, maintenant je suis sur mon canapé. Toute la journée. Et c'est pas ce que j'étais avant. Et quand on voit tout ce que ça a fait chez moi en blessure à vie, c'est compliqué, quoi. C'est compliqué de quand pas pouvoir manger un spéculoos parce que vous avez l'impression de croquer un bâton de cannelle, de pas sentir l'herbe coupée, pas sentir la mer. C'est chiant d'avoir des bugs de cerveau, c'est chiant de pas pouvoir réfléchir comme avant, c'est chiant de voir tout le monde s'amuser et moi d'être là. Moi, j'aimerais pouvoir refaire du Grand 8, moi qui étais fan de Grand 8. J'aimerais faire du toboggan avec ma nièce, ou aller à la piscine sans crainte, ou... Je voudrais avoir une vie normale, et un visage normal. Après avoir contacté l'avocate, je crois, un mois après, sur Internet, en fait, pas mal de blessés, on s'était contactés. Parce qu'on venait de vivre la même chose, donc humainement, on a essayé de se soutenir. Donc on a créé des liens comme ça et on s'est dit, il faut qu'on se rencontre. Et c'est comme ça que du coup, on a créé le collectif Les Mutilés pour l'exemple. J'ai rencontré Castille à la première réunion des blessés. Et par la suite, on s'est mis en couple et c'est quelqu'un qui a été éborgné à un match de foot il y a 8 ans. Donc lui, ça lui est arrivé, il avait 20 ans, il a dû se battre tout seul et il me donne la force de, voilà, de pouvoir continuer à me battre. Il comprend ce que je vis, donc il ne me juge pas. Bah, grâce à lui, je ne suis pas seule. Grâce à lui, j'ai de l'amour, j'ai quelqu'un qui comprend et qui m'aide dans ma lutte. Et j'ai surtout gagné un super chéri. Ça, au moins, ils m'auront apporté ça. C'est le gros bonheur dans ce tout ce malheur, quoi. Et j'ai gagné aussi une grande famille de mutilés. Je suis toujours une primo-manifestante, hein, vu que j'ai manifesté que 20 minutes. Et depuis, bah, avec les mutilés, c'est devenu mon boulot. Je suis devenue forcément beaucoup plus militante qu'avant. Pas que sur les mutilations, hein, sur plein de thèmes. Et après, c'est même pas assez... C'est ce que j'ai toujours pensé, que je dis maintenant à haute voix. Il y a une intelligence collective qui augmente. Il y a des gens aussi qui rentrent dans la boucle à chaque mouvement. En vrai, on accumule des choses. Parfois, ça tient à des trucs aussi bêtes que... Au manif, il y a des types qui croisent d'autres types. Il y a une espèce de puissance de l'informel qui fait que l'on discute. Et puis, on se rend compte que même si on n'est pas d'accord sur tout... On peut déjà être d'accord sur telle ou telle pratique et construire ensemble. Les pratiques de manifestation ont évolué si vite ces derniers temps que ce qui était encore possible en 2016 ne l'est plus aujourd'hui. En termes de maintien de l'ordre, il y a un avant et un après mouvement des Gilets jaunes. À présent qu'on est fouillé à chaque fois qu'on se joint à une manifestation, il est difficile, voire impossible, d'apporter du matériel. Qu'ils soient offensifs ou défensifs. Pour autant, de nouveaux manifestants continuent à préférer les cortèges non officiels et leur répertoire de pratiques. Les termes aller à l'avant, le bloc, les gens des terres. Je pense que la plupart des gens ont en tête le terme black bloc, mais comme c'est un terme qui a été tellement repris dans les médias et qui a été un peu tourné à toutes les sauces, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont réticents à l'utiliser, quoi. Du coup, c'est juste le bloc. Sébastien, manifestant. On voit très bien quand on est en manif qu'en face, on a des Robocop, quoi. Enfin, quand tu vois les moyens, les équipements, le nombre aussi, hein, tu sais très bien que tu es face à plus fort que toi, au moins physiquement, c'est clair. En plus, c'est leur boulot, ils sont entraînés. Et c'est aussi ça qui peut faire plaisir. En fait, les moments où on arrive à déborder les dispositifs policiers, ça fait plaisir justement parce que c'est rare. Et qu'on est tellement habitué d'une certaine manière à être un peu défait constamment, quoi, que ça fait plaisir de voir qu'on arrive à inverser le rapport de force, même momentanément, quoi. Des moments où juste il y avait des ripostes de la part du bloc, d'un coup t'as une foule de 200 personnes, tout en noir qui foncent, enfin, il y a vraiment un aspect, foule qui court tous dans le même sens pour repousser les flics, etc. Comme tout le monde est habillé pareil, ça donne un côté très dépersonnalisé, on sait pas qui est qui, et ça fait plaisir de se dire « Ah ouais, c'était pas prévu, mais c'est en train d'arriver, quoi. » Maintenant, quand je vais en manif, même si je prévois de pas aller en tête de cortège ou quoi que ce soit, je m'habille systématiquement en noir. Être dans le bloc, faire partie d'un black bloc, c'est pas que, cramer des poubelles ou lancer des trucs sur les keufs ou j'en sais rien. Ce qui fait la force d'un bloc, c'est pas seulement la détermination, c'est aussi le nombre de personnes qu'il y a dedans. Du coup, même si on fait rien, juste être là, habillé en noir et participer à l'effet de groupe, c'est déjà quelque chose. Si y a 2-3 flics qui commencent à interpeller quelqu'un, si d'un coup il y a 20 personnes... du bloc qui arrive pour essayer de rattraper la personne littéralement, quoi. C'est vraiment la prendre et la retirer dans la masse du cortège. Ça peut fonctionner, mais sauf que ça, ensuite c'est un rapport de force qui tient à pas grand chose. Et je pense là, avant tout, c'est le nombre qui fait la différence. Au-delà du nombre, il faut pouvoir oser, entre guillemets, avancer vers les policiers qui sont en train d'arrêter quelqu'un. Et ça, oser aller directement vers là où il y a l'action, très directement, quoi. Ça tient un peu à de la confiance, justement, et à une organisation préalable. Il faut pouvoir compter d'une certaine manière sur les gens qui sont autour de toi. Aussi dans le cas où ce serait toi qui est en train de te faire arrêter, quoi. Parce que ça, c'est un peu la base. On se dit tous, si je suis en train de me faire arrêter, j'aimerais beaucoup qu'il y ait plein de monde qui se rue sur la situation pour essayer de m'en sortir. En général, il y a des petits groupes qui se forment, des binômes. C'est bien d'avoir une personne avec qui on reste pendant les moments où ça chauffe, entre guillemets, pour pouvoir se protéger l'un l'autre ou s'avertir, parce qu'on peut pas avoir les yeux partout. C'est tellement la confusion dans certains moments. Il y a des flics partout, quand t'es à des croisements, t'as 4-5 rues au même endroit qui partent, alors tu sais pas d'où les flics viennent, il y a de la fumée, ça bouge très vite, enfin, c'est assez chaotique. Du coup, c'est bien, je pense, d'avoir un ou une partenaire, un binôme, quoi. Faut se mettre d'accord sur qu'est-ce qu'on attend de la manif, de certaines situations. De manière générale, je pense qu'il faudrait qu'à chaque fois, dans le binôme, la personne qui aimerait le plus rester en retrait, c'est le comportement par défaut pour le binôme entier, quoi. Faut avoir du souffle, hein, parce qu'avec les lacrymos, faut être capable de retrouver son souffle entre les salves. Moi, ça m'y aide pas tant les yeux, moi, c'est surtout la gorge. En fait, t'as vraiment l'impression d'étouffer un peu, quoi. T'as une réaction physique, en fait, t'as très vite envie de vomir un peu. Ce qui arrive souvent, c'est que t'essaies de contrôler ta respiration, mais comme t'es complètement essoufflé parce que tu cours dans tous les sens, instinctivement, tu fais pas gaffe, tu prends ta respiration et tu fais ah, putain, merde, j'étais dans un nuage de gaz. Et là, c'est fini, quoi. Honnêtement, il y a un côté grisant quand même de la manifestation, faut pas le cacher, faut faire gaffe aussi à ça un peu. Mais voir des gros mouvements de foule coordonnés sans que ce soit prémédité vraiment, c'est impressionnant quand même. Des gens qui spontanément décident de faire quelque chose ensemble et y arrivent, ouais, et ça marche. Pour moi, ça pose la question de qu'est-ce qu'on attend d'une manifestation en fait. Et je pense que des cortèges où il ne se passe rien, comment dire, où c'est juste une déambulation sans but précis, juste aller République Nation. Voilà, c'est tout. T'as fait République Nation et il se passe rien et tout le monde s'en fout et c'est fini quoi. Est-ce qu'on est vraiment efficace quand on fait juste un petit cortège sympa avec les ballons et tout? Et là, je veux pas cracher sur les militants qui choisissent de pas aller dans le bloc, pas du tout. Il faut se poser la question de quelle efficacité ça a, quoi. En vrai, je pense que les victoires dues à des manifestations classiques, elles se comptent sur les doigts de la main dans les dernières décennies, quoi. Il y a eu le mouvement en 95, il y a eu le truc contre le CPE début des années 2000, et c'est tout, quoi. Je vois pas comment faire autrement que ça, en fait. À un moment, c'est un peu un désespoir quand on voit qu'on n'est jamais écouté. Au bout d'un moment, on essaye des méthodes qui sont peut-être pas forcément 100% stratégiquement bonnes. Enfin, si les représentants politiques n'écoutent pas la rue quand ils parlent gentiment, ben, faut arrêter de parler gentiment, quoi. De retrouver non seulement une puissance d'agir, mais aussi de retrouver un certain rapport à soi, et notamment un rapport à soi qui n'est pas uniquement dans la déploration, dans la perte, quoi. C'est-à-dire, je me rapporte à moi-même en me disant que j'ai peut-être un certain nombre de puissances qu'on ne me laisse pas du tout exprimer, parce que sous l'effet de la rationalisation, de la bureaucratisation, etc., vous voyez bien qu'il est de plus en plus difficile d'avoir quelconque mouvement un peu spontané ou originaux. Ce que j'ai admiré chez les Gilets jaunes, c'est le côté « on va aller à Paris, on va à l'Elysée, on va toquer à la porte, prendre Macron et lui dire que c'est pas possible ». On peut considérer que c'est très naïf, et à la fois, par rapport à tous les trucs dans lesquels sont empêtrés les militants, en fait c'est juste beaucoup plus intelligent. Moi je pense qu'envahir l'Elysée c'est un objectif. Après je pense que là on n'était pas prêt de le faire. Et il faut des années de Gilets jaunes, d'encerclement du centre par les périphéries pour y arriver. C'est pour ça qu'on lâche pas, en fait. Parce qu'on veut encore y croire en se disant « mais c'est pas possible de ne pas nous entendre ». Donc on continue. Donc on a encore un peu d'espoir. Pas beaucoup, mais encore un peu d'espoir. Ça me fait rire parce qu'aujourd'hui, là-bas, avec l'histoire du gasoil qui a monté, bon, il y en a autour de moi, ils savent bien que j'ai des amis qui ne le sont pas du tout. Hein. Attention, hein, ceux avec qui je suis dans la rue, c'est pas des amis que j'ai depuis 20 ans. C'est vraiment des personnes que j'ai rencontrées durant ce mouvement-là. Mais là, quand il y a eu une augmentation du gasoil, tout le monde, il y en a certains qui m'ont dit « Bah alors, on ne voit plus les gilets jaunes ?» Bah, ma réponse, c'est « Ben, ça te fait chier ? Ben, vas-y, sors dans la rue toi aussi maintenant. » À nous, demain, l'émeute. Une émission d'Adila Benedjaizou, réalisée par Annabelle Brouard. Avec Marco, Romain Huet, Barbara, Dani, Louise, Vanessa Langarde, Sébastien. Prise de son, Élise Le, Audrey Guélil. Mixage, Antoine Viossa. Avec les voix de Pauline Jambet et Vivien Demeyer. Archivina, Sabine Dahuron. Un grand merci à Sandrine Kerion, auteure de la bande dessinée « Mon rond-point dans ta gueule, portrait de gilet jaune », à David Dufresne pour sa minutieuse collecte de vidéos de violences policières. Merci également à Stella Maliani-Belkacem et Andrea. La série documentaire, attachée d'émission Marie-Vonne Abolivier, coordination Perrine Carvran. Service d'ordre, manifestantes, Black Bloc, CRS, militants, casseurs ou idéalistes, LSD, c'est tout pour cette semaine. Bibliographie, lien ou pour nous écouter dans la rue, c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et les pages, c'est Marie-Vonne Bolivier, Anaï Morales et Anne-Lise Signoret. Et pour nous écouter, quand vous aurez le temps, il y a le podcast sur l'application Radio France et ailleurs. Et pour nous suivre, Twitter et même Instagram. Et la semaine prochaine, eh bien, la semaine prochaine, nous nous souviendrons de la grande peste du Moyen-Âge. Mais demain, à la même heure, c'est grand reportage. Et pour faire patienter vos oreilles jusqu'à lundi, il y a les rendez-vous documentaires du week-end, une histoire particulière, toute une vie et l'expérience.